Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Dybali le premier à sauter dans sa roue. Antichlec est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. On se retrouve aujourd'hui toujours avec une actualité largement perturbée par les événements de la crise sanitaire mondiale. Et forcément, bien, cela influe sur le contenu de cette émission. Mais depuis quelques jours, nous commençons un peu à avoir du neuf à ce niveau-là et une amorce de calendrier. Voilà le sujet qui va être abordé principalement aujourd'hui dans notre émission avec aujourd'hui deux commissaires. Donc, salut Charles. Salut Max, bonsoir à tous. Et aussi Baptiste. Salut tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, bien, nous allons pouvoir aborder un peu de neuf, un peu d'os à ronger qui nous a été donné par les instances cyclistes. On a plus de courses à se mettre sous la dent, c'est vrai, mais on a eu quelques nouvelles, des nouvelles qui font quand même plaisir puisque elles parlent de l'après-crise et d'un certain retour à la normale. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important pour le moral de tout le monde. J'imagine toi, Charles, aussi que ça t'a fait plaisir d'avoir un peu un os à ronger durant cette période. Oui, forcément, on est tous pareils, on a tous besoin d'avoir des perspectives pour essayer d'avancer ou de voir plus loin en tout cas, et on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir de nouvelles dates pour le Tour de France, donc sous réserve bien sûr que la situation sanitaire s'améliore d'ici là, mais comme vous le savez tous, je pense que le Tour de France devrait avoir lieu du 29 août au 20 septembre prochain, donc à la fin de l'été, hors des vacances scolaires. C'est la première annonce qui a été faite en termes de calendrier. On en a eu d'autres aussi, même si on n'a pas trop de précisions. Je pense que Baptiste pourra revenir dessus, notamment sur le Giro, la Vuelta ou encore les monuments. Oui, on peut faire le point peut-être justement sur ce qui a été sur ce qui est officiel déjà. Alors effectivement, sous réserve de crise sanitaire qui se résorbe durablement. Mais ce qui a été officialisé par l'UCI, donc à partir de l'annonce a priori concertée du maintien du Tour de France, mais de son déplacement du 29 août au 20 septembre, donc l'UCI a officialisé une reprise de la saison à partir du 1er juillet, mais des épreuves World Tour seulement à partir du 1er août. Ça fait donc 2 mois de compétition avant le début du Tour de France, qui était visiblement une exigence, enfin une requête des coureurs et des équipes pour que le Tour de France ne soit pas couru à blanc, entre guillemets, à froid, mais avec des courses de préparation précédemment. Comme c'est le cas dans une saison classique, il y aura les championnats nationaux le week-end avant le Tour de France, donc le 23 août. Les mondiaux sont maintenus du 20 au 27 septembre, donc il devait y avoir cette année la course en ligne olympique. Une semaine après l'arrivée du Tour de France, ben finalement, ce sera les mondiaux, la course en ligne des mondiaux, une semaine après l'arrivée du Tour de France. Un peu moins loin, hein, puisqu'on passe de Tokyo à l'Europe, donc ça fera moins de problèmes de décalage horaire. Et pour le Giro et la Vuelta, il n'y a pas de date encore, mais l'UCI a annoncé que le Giro aurait lieu après les mondiaux, donc à partir au mieux du 27 septembre, enfin, même plutôt début octobre. C'est plutôt ça qui se murmure. Et puis après le Giro, la Vuelta. Voilà. Après, les dates ne sont pas encore net, et puis de toute façon tout ça reste encore à valider bien sûr. Bon, alors évidemment il faut toujours nuancer et préciser que tout cela bien sûr dépendra de la situation sanitaire et de son évolution, hein. Je veux pas dire qu'il s'agit de vœux pieux. Il faut raisonnablement espérer effectivement que la situation s'améliore d'ici là et permette le déroulement de ces courses, mais on est soumis bien sûr à ce qui va se passer, aux impondérables à ce niveau-là. On navigue toujours un peu dans le brouillard, hein, malheureusement, avec ces situations. Mais on va partir, pour ça, faut bien en parler, et puis on va partir donc du principe que effectivement ces dates vont pouvoir être maintenues et les courses se dérouler en ces temps impartis. Ça change potentiellement pas mal de choses, évidemment, parce que là, on se retrouve avec une saison concentrée sur, allez quoi, de août à novembre, 4 mois. Est-ce que vous pensez que ça risque de changer beaucoup de choses au niveau à la fois de la liste des participants et du calendrier individuel de certains grands coureurs? Ton avis là-dessus, Charles? Ouais, forcément, ça va changer beaucoup de choses. Déjà, les coureurs seront extrêmement frais au départ de la saison, c'est-à-dire plus ou moins le 1er août, comme l'a dit Baptiste. D'habitude, on a des coureurs qui sont très très fatigués après le Tour de France, qui rechignent à prendre le départ des épreuves. Et là, on pourrait avoir un effet inverse où tout le monde aura faim. On rappelle qu'il y a environ une trentaine de coureurs par équipe. Donc tout le monde ne pourra pas faire le Tour de France, tout le monde ne pourra pas faire le Giro ou la Vuelta. Donc il y aura forcément de grosses envies, notamment pour les équipiers qui chercheront eux un contrat à la fin de la saison s'ils sont en fin de contrat. Donc je pense que c'est la première chose qui va vraiment changer, c'est cet état de fraîcheur et cette envie entre guillemets des coureurs d'en découdre après une longue période d'arrêt. Ensuite, il y a des incertitudes. Peut-être que Baptiste a plus d'informations ou de connaissances sur le sujet, mais pour l'instant l'espace Schengen est fermé, donc on ne sait pas exactement qui pourra être au départ des épreuves européennes. Je pense notamment aux Américains où la situation est compliquée. On ne sait pas trop ce qui se passe en Colombie encore, en Équateur, où on a vu que ça pouvait être difficile, en Australie aussi. Donc beaucoup, beaucoup d'incertitudes déjà par rapport à la participation en elle-même, je pense. On peut pas exclure que effectivement il y a des problèmes même peut-être au cas par cas. Par exemple, imaginons, c'est un exemple fantaisiste, mais qui pourrait exister avec un autre pays. Et si par exemple la pandémie de coronavirus se résorbe globalement, mais qu'il reste par exemple quelques pays d'Amérique du Sud dans lesquels il y a encore des coureurs coincés entre guillemets, et où la pandémie circule toujours fort, peine à se résorber. Il y a de fortes chances qu'il y ait des espèces d'embargo qui soient faits sur ces pays et qu'on interdise les déplacements à la fois de sortie ou d'entrée parmi ces pays, avec ces pays. Donc on pourrait avoir des pelotons peut-être pas réduits strictement à l'échelle de Schengen, c'est-à-dire à l'échelle grosso modo européenne, mais peut-être au cas par cas un peu amputés. Par ailleurs, et pour rebondir un peu sur cette idée-là aussi que Charles avançait, il y a aussi des équipes hein, qui pourraient tout simplement aussi faire droit de retrait. On a déjà entendu Ineos et je crois Education First leur emboîter le pas, signaler que pour eux, la situation sanitaire primait sur tout et qu'ils ne prendraient pas le départ, c'était en évoquant le Tour de France, ils ne prendraient pas le départ du Tour de France s'ils n'avaient pas de garantie sur la situation sanitaire. Alors, pas forcément de la part des organisateurs du Tour, mais plus généralement sur est-ce que, voilà, est-ce que, où est-ce qu'on en est du coronavirus au moment du départ du Tour et est-ce que c'est sérieux ou pas à leurs yeux de disputer une course cycliste dans les conditions de promiscuité que ça suscite forcément, ou est-ce que ce n'est pas sérieux? Voilà. Donc on est encore à l'heure où on parle effectivement un peu sur des œufs avec ces sujets-là, comme Max disait, on part du principe que ça ira et que la saison pourra se dérouler. Mais pour revenir à ta question, Max, et peut-être tu peux nous dire toi ce que tu en penses aussi, mais de toute façon, ça va être très différent en termes de start list et en termes d'objectifs pour les coureurs. D'abord parce que les trois grands tours vont être collés à 2 semaines près les uns les autres, quasiment, quoi. Donc enchaîner les grands tours va être extrêmement compliqué. Déjà qu'il l'est en temps normal sur une saison complète. Donc là, dans un temps aussi ramassé, ça paraît quand même très compliqué. Peut-être pas pour les disputer, mais en tout cas pour jouer, disons, le classement général sur deux grands tours, même si on prend le premier et le dernier, ça va être très compliqué, d'une part. Et d'autre part, Charles l'a dit, il n'y a que 3 ou 4 mois pour disputer des courses. On ne sait pas encore à quelle date pour prendre ne serait-ce que ces courses-là. On ne sait pas encore à quelle date les monuments vont être disputés. Mais certains d'entre eux, c'est sûr, seront disputés pendant les grands tours. Donc, nécessairement, on va avoir des pelotons très différents au départ des courses et des favoris dispatchés, quoi. Ça va être une saison. Elle va déjà être très spéciale si elle a lieu parce qu'elle sera résumée en 3-4 mois, mais même en termes de courses auxquelles on va assister, de plateaux qu'il y aura au départ des courses, ça va être très spécial. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Pour l'instant, c'est vraiment difficile après de dégager une tendance. Moi, je me disais, vu la modification du calendrier, par exemple, on a un Giro qui devient beaucoup moins intéressant parce que en vue des championnats du monde et d'une date, puisque là, tout d'un coup, le Tour de France, lui, en bénéficie, hein, puisque le championnat du monde se déroulera une semaine après la fin du Tour de France, donc ça peut être intéressant de doubler les deux. ce qui était beaucoup moins le cas avec le calendrier de départ. Donc je pensais aussi donc par conséquent que le Giro pouvait souffrir de cela, mais en fait ça dépend beaucoup de choses finalement, parce que on peut aussi avoir, comme tu le disais, ben voilà, on a quand même 30 coureurs par équipe, des coureurs qui vont avoir faim, hein, qui vont avoir fin de course, et du coup on peut se retrouver avec un plateau général sur le Giro beaucoup plus dense que d'habitude, où on avait parfois l'impression que certaines équipes envoyaient presque leur équipe C, même pas B, mais encore la version en dessous. Là, et sur la route, c'est pareil. On risque d'avoir peut-être un peloton plus homogène et peut-être plus costaud que d'habitude sur le Giro, mais avec moins de leaders, par exemple. Voilà, donc voilà, on va voir quelque chose d'un peu bizarre, hein, parce que parmi les leaders de Grand Tour, il y en a certains, par exemple, qui, même s'ils sont à l'aise quand ça grimpe, n'aiment pas forcément les courses d'un jour. Hein, on peut penser notamment à un Chris Froome qui n'y a jamais particulièrement brillé. Voilà, donc à voir ce qui va se faire. Le doublé Tour Vuelta est encore possible, mais c'est vrai que jouer les deux à fond, ça paraît un peu délicat. Même si sur la Vuelta, on a l'habitude de voir aussi des leaders un peu en fin de course, de toute façon, s'y inscrire et tenter de faire ce qu'ils ont à ce moment-là, ils sauvent les meubles. Voilà, bon, globalement, je pense qu'on aura des niveaux de liste de participants effectivement assez hétérogènes en fonction du calendrier et du chevauchement ou non de certaines courses. Elles pourront être très très fortes et d'autres fois étonnamment faibles. Le calendrier va être très dense, hein. Il va pas y avoir de pause, parce qu'il y a quand même, tu as toutes les courses qui se recasent et tu as toutes celles qui avaient déjà lieu de août à novembre, quoi. Donc du coup, je pense pas qu'il y aura beaucoup de périodes, je laisse les paroles à Charles, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de périodes un peu vides, un peu légères, quoi. Mais c'est ça qui est impressionnant, justement. Je voulais rebondir sur la notion de densité que tu évoques, Baptiste. Enfin, faut bien se rendre compte que du 29 août à environ la mi-novembre, on va avoir déjà 9 semaines d'occupés par des grands tours. Enfin, c'est énorme, sachant qu'en plus, entre le Giro et le Tour, il y a les championnats du monde qui vont quasiment monopoliser la quinzaine entre les deux. Donc, enfin, déjà, juste avec la dizaine de courses qu'on a pour l'instant de replacer, à peine, ou d'anticiper replacer, le calendrier, il est plein. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. Enfin, je ne sais pas si on se rend bien compte nous-mêmes, mais il y a déjà de quoi occuper les fans de vélo de fin août à mi-novembre avec les trois grands tours, les mondiaux, les championnats d'Europe et les cinq monuments. Et à tout ça, il va falloir ajouter un énorme paquet d'épreuves. Donc, je pense qu'on aura minimum 4-5 épreuves par étape par semaine, si ça se trouve, entre septembre et octobre, qu'on aura beaucoup de courses d'un jour. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu quelques organisateurs de courses que je voulais préparer à l'émission, qui maintiennent, comme le Tour de Slovaquie, comme la Croatie Race, etc., qui vont maintenir leurs épreuves. Et à tout ça, on va rajouter des Tirreno-Adriatico, des Tours de Catalogne, je ne sais pas ce qui va se passer pour le Pays Basque, mais il y aura certainement plein d'autres épreuves comme ça qui vont se rajouter au fur et à mesure, et on va avoir vraiment, vraiment beaucoup de concurrence, et ça va être... Enfin, il y aura du vélo de partout, entre guillemets, quoi, si ça se passe bien, bien sûr. Peut-être certaines épreuves seront raccourcies. Je crois que il a... c'est ce que j'ai lu, j'ai pas entendu, je l'ai pas entendu le prononcer, donc peut-être je me trompe, mais il me semble que Christian Prudhomme a plus ou moins évoqué un Dauphiné qui pourrait être peut-être en préparation du Tour de France au mois d'août, mais un peu raccourci par rapport à sa taille habituelle qui est de 8 jours. Voilà, on aura peut-être un Dauphiné, je sais pas, sur 5 étapes. C'est pas impossible que l'UCI ait demandé aux organisateurs de faire un effort, qu'en échange de trouver une nouvelle place dans le calendrier et d'essayer de donner une cohérence à ce calendrier, parce que c'est bien beau de remettre des courses dans un certain ordre. Par exemple, les monuments, c'est un casse-tête, parce qu'il faut quand même que si on fait un jour l'Amstel, 3 jours après le Tour des Flandres, 3 jours après Milan-San Remo et 3 jours encore après Liège-Bastogne-Liège, c'est pas possible en fait, parce que c'est pas possible d'enchaîner à ce point-là les courses, c'est pas possible de pas leur donner de cohérence d'un parcours à l'autre. Il faut quand même faire en sorte que quelque chose, le truc ait un tout petit peu de gueule, quoi. Donc peut-être qu'en échange de bon vouloir, quoi, de bonne conduite, les organisateurs, on leur a demandé de faire un peu un effort et d'éventuellement tailler 2 jours, 3 jours par-ci par-là, que c'était la condition pour obtenir le fait d'exister en 2020, quoi. On va voir. Ça risque quand même de se faire sur les grands tours. Hein. Déjà pour la Vuelta, ça paraît logique, parce que, enfin, logistiquement parlant, partir des Pays-Bas cette année pour aller arriver en Espagne, enfin, c'est pas seulement 200 coureurs qui vont se déplacer, mais c'est peut-être 400-500 suiveurs aussi. Donc, et le Giro a le même problème avec la Hongrie. S'il y a des restrictions sanitaires suivant les pays, je pense que c'est absolument pas envisageable de faire en voiture ou en bus pour les suiveurs, parce qu'il y a que les coureurs qui se déplacent en avion. Amsterdam ou La Haye, peu importe, ou Utrecht, je crois, c'est jusqu'en Espagne en passant par la France, quoi. Ça paraît très très compliqué. Donc, enfin, à partir de là, je ne vois pas comment le Tour d'Espagne pourrait partir des Pays-Bas, ou Baptiste, tu l'as dit, hein, le Giro ne partira pas d'Hongrie, c'est sûr, enfin, Dans ça les deux paraît. cas, on parle des trois premières étapes, et c'est sans doute pour ça, en tout cas c'est peut-être c'est une des raisons pour lesquelles l'UCI n'a pas encore annoncé de date pour ces deux courses-là, qui sont effectivement contrairement au Tour de France qui part de France et qui ne quitte pas les frontières du pays. Peut-être que pour le Tour et le Giro et la Vuelta, pardon, il y a des négociations en cours, soit pour peut-être trouver trois premières étapes. Je sais que la Vuelta, il y a des rumeurs comme quoi la Vuelta pourrait du coup partir d'Irun au Pays Basque. Alors est-ce que peut-être Irun est arrivé à rater, donc Irun a raté, c'est typiquement une étape du Tour du Pays Basque. Alors est-ce que du coup il y aurait peut-être un espèce de deal pour ne pas courir le Tour du Pays Basque, mais du coup pour remplacer les trois premières étapes de la Vuelta par trois étapes basques, ce qui ferait un espèce comme ça la Vuelta perd pas ses 21 jours. Enfin, voilà, on ne sait pas trop là. Je fais ça, c'est des Oui, c'est. Hypothèses que je fais à haute voix, mais en tout cas, ça s'entend qu'on est sans doute dans des débats comme ça en ce moment au sein des instances, quoi. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, Baptiste, que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand on a eu la réponse des organisateurs du Tour de Slovaquie qui veulent maintenir leur épreuve à tout prix. Mais comme il y a réorganisation, en fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir Peter Sagan au départ. Donc, ils nous ont dit clairement, enfin, les dates initiales, c'est du 16 au 19 septembre, si Sagan fait le Giro. Mais si jamais il fait le Tour de France, ils sont prêts à déplacer la course du 1er au 4 octobre juste pour l'avoir au départ. Donc il y aura tout un petit jeu, comme tu l'as dit, qui va se mettre en place sur plein plein d'épreuves. Et il y aura ouais, des choses peut-être curieuses dans le calendrier qui vont se Mais en mettre en place. l'occurrence, eux, ils disent ça aujourd'hui, mais je ne sais pas s'ils auront la liberté de pouvoir vraiment En plus. Hein. décider à la fin, parce que tout ça se fait dans l'urgence, et je ne suis pas sûr que le Tour de Slovaquie soit hyper prioritaire aux yeux de l'UCI en termes de délai pour annoncer une date fixe. Donc voilà. Mais oui, en tout cas, chacun. C'est les enjeux économiques de chacune des courses. Pour le Tour de Slovaquie, la présence de Peter Sagan, c'est sans doute juste la seule façon pour eux d'être bénéficiaires à la fin de la course ou quelque chose comme ça. Donc voilà, évidemment que chacune des courses voit midi à sa porte et cherche à sauver les meubles le plus possible, quoi. Donc en termes de date, en termes de jours de course, en termes de plateau de participants, c'est énormément de paramètres multipliés par le nombre de courses qu'il y a dans toute la saison arcasée, c'est un enfer, quoi. Puis on est dans un, enfin, moi je trouve qu'on est dans un système ou dans un sport, le vélo en tout cas, qui est vraiment particulier parce que l'instance dirigeante, à savoir l'UCI, a très peu de pouvoir. Enfin, par exemple, c'est assez inédit que l'instance dirigeante d'un sport mondial n'organise pas l'épreuve la plus importante, Bah comme on la l'a bien vu là avec le Tour de FIFA France qui a, comme enfin la ASO FIFA qui organise a la Coupe du Monde, fixé par les exemple. Et ASO a là, on voit qu'en fixé. fait, c'est ASO, comme tu vas le dire, ouais, Ouais. enfin, comme tu l'as dit, Max, qui décide, en fait, parce C'est que ça. de toute façon, si ASO veut dire fuck à l'UCI et organiser le Tour de France, même hors du cadre de l'UCI, ils le feront. Et l'UCI ne pourra absolument rien faire. Donc, j'imagine que c'est pareil pour pas mal d'épreuves. Enfin, on parlait du Tour de Slovaquie. Si le Tour de Slovaquie décide de sortir du cadre de l'UCI avec Peter Sagan au départ et des sponsors ou des équipes qui acceptent de venir, l'UCI n'est même pas en position, je pense, de leur dire non ou de leur dire merde. Donc, c'est ça aussi qui va être très compliqué parce qu'il y a tout un jeu de pouvoir entre des gros organisateurs que sont RCS Sport pour l'Italie, Flanders Classic pour la Belgique et les classiques et ASO en France. Donc, enfin, ça va être très très compliqué, je pense, avec beaucoup beaucoup de luttes d'influence et de pouvoir entre les différentes parties, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un minimum de concertation d'ailleurs entre ces grands Oui. organismes? Parce Oui, que. oui, oui, oui. Oui, parce que David Lapartient est un politicien, donc je pense qu'il est assez habile pour aller discuter avec les organisateurs, peut-être contrairement à ses prédécesseurs, quoi. En tout cas, après, est-ce qu'il y a eu des discussions équilibrées? Je ne sais pas, mais il y a forcément eu des discussions entre les organisateurs parce que le Tour de France a peut-être imposé ses vues. Ça, c'est, en tout cas, il a la position, comme Charles l'a dit, il a la position pour le faire. Mais il n'a pas non plus. Les autres organisateurs et l'UCI n'ont pas découvert ces nouvelles dates en regardant le JT de France 2 à 13h l'autre jour. C'est pas vrai. Donc, bien sûr qu'il y a eu des discussions de coulisses. Et puis, en plus, ASO organise. Plusieurs autres courses que le Tour de France, à 51% des parts de la Vuelta. Donc on est sur des discussions sérieuses. Et puis de toute façon, réorganiser voilà, toutes les autres courses que le Tour de France, ASO doit composer avec les autres épreuves. Et donc voilà, toutes ces épreuves dont on a parlé qui n'ont pas de date, hein, les monuments, voilà, l'ASO, je rappelle, ASO organise le Dauphiné, ASO organise Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix. La Donc Flèche voilà. Wallonne, enfin, pareil, c'est beaucoup, beaucoup d'épreuves. Avec RCS, ils ont forcément discuté. À eux deux, ils organisent les trois grands tours et les 4 cinquièmes des monuments. Donc oui, ils ont forcément parlé, c'est impossible autrement. Très bien. Oui, parce que la réaction de certains organisateurs, alors c'est peut-être une posture, mais m'avait un peu étonné. Certains quand même se commençaient un peu à s'indigner que voilà, le Ouais. Tour de France ait posé ces dates-là et du coup s'en plaignaient. C'est une posture, et puis enfin, faut être sérieux 5 minutes. C'est un fait, hein, je veux dire. Enfin, on peut être pour ou contre, c'est même pas le sujet. Mais si ASO annonce la semaine dernière que le Tour de France est annulé, mais les autres organisateurs, ils peuvent faire 4, 5 ou 10 semaines s'ils veulent, la saison elle est morte et les trois quarts des sponsors se barrent. Enfin, à un moment, faut juste être sérieux, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens ce qui râle, je trouve. C'est peut-être triste, hein, mais c'est ASO qui décide de tout parce que sans le Tour de France, il n'y a plus de vélo, quoi. Enfin, Et organiser ces courses ou certaines courses à huis clos, était-ce une possibilité crédible ou on pouvait vraiment déjà arrêter d'y penser après, à peine après l'avoir formulé, selon vous, Baptiste? moi, ça me paraît plutôt crédible. Je pense que c'est pas souhaitable, mais je trouve que c'est un sport qui s'y prête pas si mal, quoi. C'est sûr. Alors, le Tour de France sans spectateur, c'est sûr, ce serait chelou. Et on voit quand même, nous qui regardons énormément de vélos dans l'année, on en voit un paquet des courses où si c'était à huis clos, on Ça verrait change pas trop rien. la diff, quoi. Donc, franchement, bon, je vois pas trop. Ce serait dommage. Ce serait. C'est pas ce qui est souhaitable, hein, mais je pense qu'il y a quand même une grande partie du calendrier où ça ferait pas une énorme différence. Enfin, Mais parce que même des c'est courses World Tour, incroyable. hein. Et même des courses World Tour, Tu absolument. regardes Paris, il n'y a pas tant de monde que ça, hein, Bah, c'est des pistes qui Dauphiné. traînent, il fait pas très beau dehors, voilà. Hein. Vie qui flotte, Et ouais. ouais. Et le Tour de France est totalement une exception à ce niveau-là. Le Tour de France aurait été chelou, mais même la Vuelta, des fois la Vuelta, il y a personne au bord des routes, quoi. Personne, hormis les arrivées et les départs, enfin, il n'y a personne. Donc bon, moi ça me choque pas plus que ça. Et c'est logique aussi qu'il n'y a pas tant de monde au bord des routes, hein. Les étapes elles font 200 bornes, donc c'est pas comme un stade où on rassemble des gens, hein. Mais on parlait en off tout à l'heure de foot aussi, enfin, et d'autres sports. Nous, on a la chance justement d'avoir un sport d'extérieur où le public n'est pas primordial, entre guillemets. Enfin, je sais que je vais en faire bondir certains, mais une épreuve de cyclisme à huis clos, ça n'a rien à voir avec un stade de 80 000 places de foot qui est vide et qui résonne creux. Enfin, c'est différent. Nous, on a cette chance-là, entre guillemets, de pouvoir être en extérieur et de pouvoir continuer à avoir enfin, des télévisions, etc., qui continuent à diffuser des événements malgré le fait qu'il n'y ait personne le long de la route. Donc c'est plutôt un atout, je trouve. Enfin, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on est le premier sport à retrouver des dates pour son épreuve phare. Oui, c'est vrai que sport qui est gratuit à voir, pour peu qu'on prenne la peine de se déplacer, il n'y en a pas beaucoup finalement. Et c'est un peu l'avantage du cyclisme. Alors il nous reste encore quelques minutes avant de clore. On avait dit qu'on allait consacrer un tout petit peu de temps aussi à un autre chapitre. Ouais, juste Max, avant de Oui? passer, il y a une question que j'ai vue passer dans le chat et que je trouve assez intéressante. Vas-y. Enfin, ça fait partie des débats, en tout cas. Et moi, j'ai pas trop d'avis, en fait, donc c'est pour ça aussi que je voulais en parler avec vous. C'est Cassof Reiter qui évoquait la question d'éventuels ajouts de wildcard Ah oui. et aux épreuves World Tour. Et je pense, moi, enfin, tout de suite, je pense à Mathieu de Van Der Poel qui a remis une couche sur le fait qu'il voulait éventuellement disputer le Tour de France et d'obtenir que son équipe obtienne une invite sur le Tour. Moi, j'ai pas trop d'avis sur ça. Je me rends pas compte à quel point, parce que c'est une situation exceptionnelle, on pourrait agrandir le nombre d'invitations par épreuve et élargir un peu les pelotons parce que grosso modo, ça permettrait à certaines équipes d'avoir un calendrier plus fourni et ça éviterait qu'il y ait des équipes avec un calendrier assez faible ou avec trop peu de jours de course pour certains coureurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas trop d'opinion là-dessus. J'ai du mal à imaginer ça possible, mais j'ai pas vraiment d'opinion sur si c'est bien ou pas. Marrant. C'est délicat. Alors, Ouais, je disons, serais déjà, pour, mais. faut voir la situation telle qu'elle sera au départ du Tour de France. Est-ce que toutes les équipes originellement invitées y seront, pourront venir ou pas? Oui, on Voilà. a vu sur Paris-Nice qu'au dernier moment, bon, c'était un peu juste avant le confinement, quoi, mais au dernier moment, il y a eu deux équipes, une ou deux équipes, je ne sais plus, invitées pour pallier des forfaits, quoi. Donc, si Mais. ça. Si c'est le cas comme ça, pourquoi pas? Après tout, si on va dire entre guillemets ça ne nuit à personne, revoir quelqu'un comme Mathieu Van Der Poel sur la liste de départ au Tour de France, ce ne serait pas une mauvaise chose, au contraire. Si, moi, je suis pour si ça peut sauver des structures, par exemple. Enfin, Voilà. il y a des équipes pour lesquelles ça va être compliqué. Tu vois, pour le Tour de France, bon, je m'inquiète pas pour Van der Poel, parce que de toute façon, à lui tout seul, il justifie le maintien d'un sponsor. Mais je pense par exemple à Delco Marseille, qui a jamais eu sa chance sur le Tour. Si tu invites Alpecin Phoenix, tu peux prendre Delco Marseille. En Italie, il y a des formations italiennes qui sont restées sur le carreau pour le Giro. si ça peut permettre de pérenniser ces structures-là ou au moins de les maintenir en vie. Moi, je dis banco, enfin, idem pour la Volta. Après, il faut vraiment voir au cas par cas, mais si ça peut permettre à. Ouais, comme je disais, la survie de formation, moi je dis pourquoi pas, parce que enfin, après, moi je ne croyais pas du tout à cet argument de la sécurité. On en avait discuté avec quelques managers d'équipe. Ils disaient que le problème en termes de sécurité, c'est cet essaim qui se forme en tête de peloton juste après les équipiers, donc qui est 200, 150 ou 120 coureurs. Au final, ça ne change pas grand-chose pour moi. Donc enfin, l'argument était caduque à la base, donc c'est pour ça aussi que je serais pour une augmentation pardon, exceptionnelle du nombre de coureurs dans un peloton, quoi. On peut même Il est imaginer un sûr. système avec deux équipes fondues en une. Hein. Elles leur amènent chacun quatre. Ça s'est déjà fait par le passé. Ça me choquerait pas plus que ça. Voilà. C'est vrai. Non, mais c'est alors, tu vois, c'est marrant. J'y pensais effectivement. C'est faut être vieux pour avoir connu ça, hein, et donc on est concerné. Mais effectivement, il y a eu des cas de, il y a un petit moment maintenant, d'équipes mixtes. Hein, on appelait ça comme ça, avec C'est par ça. exemple six coureurs d'une équipe et trois de l'autre, ou des choses comme ça. Jusque dans les années 90, ça a existé. Donc, sur des grands tours, en tout cas. Donc, peut-être exceptionnellement, on pourrait voir effectivement une équipe, je ne sais pas moi, Alpecin, Wanty, par exemple, pour citer deux équipes qui ne sont pas invitées sur le tour et qui auraient pu l'être. Pourquoi pas. Oui, ça resterait en plus assez cohérent. Bien. Donc, je voulais vous garder les 5 dernières minutes de l'émission pour aborder un autre sujet, puisque pour l'instant, en l'absence de course, on court principalement de manière virtuelle, on va dire. Et cette semaine, on va avoir notamment la chaîne L'Équipe qui va diffuser le Tour de Suisse virtuel qui est donc organisé du 22 au 26 avril, je crois. C'est une formule encore un peu particulière. On retrouvera un peloton néanmoins assez large, mais qui ne disputera pas toutes les étapes. Enfin, c'est un système un peu bâtard. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Charles. Ouais, alors déjà pour mettre le truc dans le contexte, en fait, on aura 5 épreuves d'1 heure, 5 épreuves qui reprennent le tracé de chacune des étapes ou de certaines des étapes pardon, du Tour de Suisse. Donc comme tu l'as dit, max hein, du 22 au 26, donc de mercredi à dimanche, à partir de 17h10 chaque jour, il me semble, sur la chaîne L'Équipe, on aura ces 5 épreuves d'1 heure, 19 équipes au départ, 19 équipes de 3 coureurs. Donc on aura un peloton déjà un petit peu plus conséquent que ce qu'on a pu voir lors du Tour des Flandres, puisqu'il n'y avait que 13 concurrents sur la ligne de départ. Donc à voir si ça peut être mieux. Moi, je sais pas, je suis un peu curieux en fait de ce format-là. Si en plus gros peloton, ça peut donner quelque chose de plus intéressant. On en a déjà parlé l'autre fois avec Baptiste et Benjamin, je crois. Mais moi, je voudrais savoir s'il y a une stratégie d'équipe possible, par exemple. Enfin, ça fait partie de mes interrogations sur le sujet. Baptiste, un avis là-dessus? Bon, une curiosité, voilà, comme Charles, comme toi sans doute Max aussi, Oui. et comme à l'époque du Tour des Flandres, sans une curiosité pour le format. En cette période-là, on n'a rien de mieux à se mettre sous la dent, donc je vais sans doute regarder comme vous, voir un peu ce que ça donne, m'intéresser. Effectivement, on a parlé après le Tour des Flandres qu'il n'y avait pas de stratégie d'équipe. Enfin, moi, en tout cas, j'étais assez sceptique sur le fait qu'une stratégie d'équipe était possible dans ces conditions-là. On va voir s'il y a des choses qui sont mises en place avec des équipes de trois ici, et si du coup, il y a des tactiques d'équipe. Sont possibles de mettre en place. Après, bon, je pense que cette émission finalement résume assez bien la réalité. On a parlé pendant 25 minutes d'un hypothétique futur calendrier, et pendant 3 minutes 20 d'une course sur une plateforme numérique de mecs sur des home trainers. Ça résume assez bien qu'est-ce qui compte vraiment à nos Je yeux et suis qu'est-ce assez qui nous d'accord. plaît et qu'est-ce qui est juste là pour. C'est vraiment les cacahuètes avant le repas, quoi. Ce Tour de Suisse virtuel et on sait très bien. En vrai, on sait très très bien ce qui va nous remplir le bide, c'est pas ça quoi. D'ailleurs, Surtout que le ça me permet de format, rebondir. le Oh, format est Max, assez vas-y. court, encore une fois, hein. On court sur 30, 40 km. Ouais, bah pour tous ceux qui ont fait du home trainer, c'est vrai que c'est chaud de faire plus d'1 heure. Enfin, à un moment, ça devient Ouais, compliqué, je pense, mais. je pense qu'en termes de diffusion média, ça n'a plus aucun intérêt. Enfin, Ouais, voilà, je sais effectivement. que. Mais pour moi, ça revient aussi à une des chances. Je parlais de chance tout à l'heure. Sur les perspectives de calendrier pour la saison, etc. Mais là aussi, c'est une chance pour moi parce que, enfin, encore une fois, on est le seul sport qui permet de faire du e-sport, comme on l'appelle, mais de manière réelle, en faisant un effort physique, en fait. Enfin, on va pas aller regarder des mecs qui jouent à FIFA ou qui jouent à NBA 2K, je sais pas quoi. Ou, enfin, le vélo, ça reste le seul sport où on peut pratiquer pardon, une activité physique virtuellement. Donc c'est peut-être aussi ça qui crée un certain intérêt chez les fans de vélo. Parce que moi j'avoue que si les mecs ils jouent à PCN, bah, j'en aurais franchement rien à foutre et je regarderais pas, quoi. Enfin. Oui, ce serait pas du tout la même chose. Bon, bah écoutez, de toute façon, on va jeter un œil de toute manière effectivement à ce qui va se passer. En marge, il y a aussi également un Giro virtuel, mais alors sur une base encore un peu plus différente, puisque là on retrouve des coureurs pros, des amateurs, mais aussi d'anciennes gloires italiennes qui viennent apporter leur nom principalement sur cette course. Voilà, bon, comme vous dites, dans les circonstances actuelles, c'est toujours mieux que rien, mais c'est vrai qu'on a tous hâte que la vraie saison redémarre. Oui? Juste pour finir, je me rappelle, Baptiste avait parlé de tournoi exhibition en tennis. Enfin, tu avais pris ce Ouais. parallèle-là. Et j'y pensais tout à coup. Je me dis aussi que pour les organisateurs, ça peut être un bel exemple de se dire, bah tiens, finalement, ça marche pas trop mal chez les amateurs de vélo, chez les cyclotouristes, entre guillemets. Et pourquoi pas hors saison, tu vois, avoir, je sais pas, pas Peter Sagan, parce qu'il a l'air d'en avoir clairement rien à foutre, mais avoir des anciennes gloires comme le Fuengirola, des Capucci, des Basso, etc., Ouais. qui vont rouler avec des cyclos, où, je sais pas, tu payes par exemple 10 balles, tu vois, pour participer à la cyclo virtuellement avec eux, et faire aussi un espèce de petit business model là-dessus, même ça resterait dérisoire par rapport au reste, mais pourquoi pas développer pour pérenniser un peu justement le vélo, enfin son côté financier entre guillemets. Bien. Autre chose à rajouter avant qu'on commence à bien, écoutez, à tout simplement terminer l'émission, hein, puisque nous en sommes déjà plus d'une demi-heure, ma Bah, foi. juste dire qu'on devrait théoriquement avoir plus d'infos sur le reste du calendrier dans les prochaines semaines et qu'on a hâte de savoir un peu. Et je pense que plus même que nous, les coureurs ont hâte parce que pour les coureurs, pour l'instant, c'est un peu l'inconnu, à part le Tour de France, et on n'a pas vraiment beaucoup de dates. Et pour organiser la future saison et vraiment se projeter, faire des plans sur monter en puissance et se créer un calendrier de course avec des épreuves de préparation et des objectifs, il y a besoin de ces dates-là. Donc je pense que ça sera un soulagement pour beaucoup de monde. Oui, il faut que ça se précise, et effectivement, beaucoup de coureurs sont aussi en attente, encore bien plus que nous, par rapport à ça. Sachant qu'en plus, ils ne sont pas tous dans la même situation. Certains arrivent à pouvoir s'entraîner dehors, d'autres sont bloqués chez eux. Enfin, c'est. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent se préciser, et puis il y a beaucoup de temps à rattraper. On espère que pour tous ces gens et pour les suiveurs que nous sommes, effectivement, tout pourra rentrer dans l'ordre le plus vite possible. Bien, écoutez, voilà, je pense qu'on a essayé de faire le tour de l'actualité récente autant que faire se peut. D'ici là, on se retrouve, je pense, assez vite, peut-être la semaine prochaine, si on a encore d'autres nouvelles, ou un peu plus tard, si elles viennent elles-mêmes progressivement. Mais d'ici là, donc prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser commentaires, pouces bleus, et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Salut tout le monde.